donné, ou t'es vliqué, moi pas donné, mais ou ben négligé. Pléré, moi j'appléré, ou dit qu'elle ouais, moi mais pourtant ou fin maillé, j'en dis je l'orage qu'on y est. Via ou v'lait virer, j'ai dû me faire une raison de ne plus te voir à la maison. Les années se sont écoulées, je ne veux revenir sur le passé. Comment c'est ni l'impression qu'est ou qu'a accaparé moi. En piqué, j'en m'appelle quoi. Que laissez famille avant moi. Tu sais, on a pu les...